Chapitre 26e, conclusion. La fin d'un roman, comme le dernier service d'un dîner d'enfant, doit être composée de douceur et de plats sucrés. Il ne nous reste qu'à mentionner la magnificence du mariage, qu'à décrire les toilettes, qu'à rappeler le dialogue qui eut lieu entre l'archidiacre qui mariait et Mr. et Mrs. Arabin qu'il mariait. Voulez-vous avoir cette femme pour votre épouse? Voulez-vous avoir cet homme pour votre époux afin de vivre ensemble selon la loi de Dieu? Monsieur Arabin et Eleanor répondirent tous deux « Je le veux ». Nous ne doutons pas qu'ils n'aient tenu leur promesse. Nous en doutons d'autant moins que la signora Neroni avait déjà quitté Barchester avant la cérémonie. Il y avait un peu plus de 2 ans que Mrs. Bold était veuve au moment où elle se remariait, et le petit Johnny, avec un peu d'aide, pouvait déjà trottiner dans le salon pour y recevoir les salutations des invités assemblés. M. Harding conduisit la mariée, l'archidiacre dit l'office, et les deux Mrs. Grantly, assistées par d'autres jeunes filles du voisinage, furent de gracieuses demoiselles d'honneur. Les 3 fils de l'archidiacre étaient venus à Plumstead pour cette circonstance. L'aîné, jeune homme très instruit, était considéré par tous ceux qui le connaissaient comme assuré des premières places dans les concours de la fin de l'année. Cependant, le second, resplendissant sous un uniforme neuf, attirait plus que lui les regards. Le 3e entrait alors à l'université. Il n'était pas le moins fier des 3. Mais ce qui fut surtout remarquable à l'occasion de ce mariage, ce fut l'excessive libéralité de l'archidiacre. Il fit littéralement des présents à tout le monde. Monsieur Arabin ayant déjà quitté Saint-Évold, il n'était plus question d'y faire les embellissements projetés antérieurement. Mais l'archidiacre aurait remeublé la maison du doyen si on l'avait laissé faire. Il y fit porter un magnifique piano d'Erard, donna à Monsieur Arabin un cheval que même un doyen pouvait être fier de conduire, et fit cadeau à Eleanor d'une chaise à poney d'un nouveau modèle qui avait eu une médaille à l'exposition. Il ne s'en tint pas là. Il acheta une parure de camée pour sa femme, un bracelet orné d'un saphir pour Miss Bold, des perles et des nécessaires de travail pour ses filles, et remit à chacun de ses fils un chèque de 20 livres. Enfin, il offrit à M. Harding un magnifique violoncelle avec toutes sortes d'enjolivements et d'additions. Mais en raison même de ces additions, nouvelles pour lui, M. Harding n'eut jamais la même satisfaction à jouer sur cet instrument et fit moins de plaisir à ses auditeurs. Ceux qui connaissaient bien l'archidiacre comprenaient parfaitement la cause de cette générosité extravagante. C'est ainsi qu'il chantait son chant de triomphe sur M. Slope. C'était son péant, son hymne d'action de grâce. Il s'était ceint de son épée et était parti en guerre. Maintenant il revenait du champ de bataille, chargé des dépouilles de l'ennemi. Le cheval et les camées, le violoncelle et le piano étaient comme des trophées ravis de l'attente de l'ennemi abattu. Les Arabin, après le mariage, voyagèrent à l'étranger pendant une couple de mois, selon la coutume qui a prévalu aujourd'hui, et commencèrent leur nouvelle vie sous les meilleurs auspices. Et maintenant, M. Arabin ne rencontre aucune difficulté dans l'exercice de ses fonctions. L'évêque n'intervient jamais dans les affaires ecclésiastiques, Mrs. Proudie rarement. Son activité se meut dans une sphère plus vaste, plus haute, plus digne de son ambition que celle d'une ville épiscopale de province. Tant qu'elle conduira le diocèse à son gré, elle laissera à eux-mêmes le doyen et son chapitre. Le gros chancelier et le petit chanoine maigre sont bien tranquilles. Ils n'ont plus à craindre d'être tracassés au sujet des écoles du dimanche. Le doyen est maître chez lui, et les seules relations entre Mrs. Proudie et Mrs. Arabin se bornent à un dîner annuel qu'elles se donnent l'une à l'autre. Le docteur Grantly ne paraît pas à ses dîners, mais il ne manque jamais de demander et de recevoir un compte détaillé de ce qu'a dit et fait Mrs. Proudie dans ces occasions. Les relations entre les Arabin et les Grantly sont constantes et familières. Depuis qu'Eleanor a épousé un prêtre, surtout un dignitaire de l'Église, sa sœur a trouvé plus de points de sympathie avec elle, et dans une certaine circonstance, dont la date peut être prévue, elle doit passer 1 mois ou 2 chez Mrs. Arabin. Jamais elle n'avait eu la pensée d'en faire autant à la naissance du petit Johnny Bold. M. Arabin est un homme studieux, laborieux. Il vit constamment chez lui et prêche presque tous les dimanches. il passe son temps à annoter et éditer de vieux ouvrages de littérature ecclésiastique. On le regarde à Oxford comme l'une des gloires futures de cette université. Sa femme et lui n'ont point de secret l'un pour l'autre. Si, pourtant, il en est un qu'Eleanor n'a jamais laissé échapper. M. Arabin ignore encore que M. Slope a reçu un soufflet. M. Slope, au temps de sa toute-puissance, avait voulu astreindre les chanoines à la résidence. Après sa déchéance, les Stanhope purent aller vivre de nouveau dans les délices de leur villa italienne. Avant le mariage d'Eleanor, ils étaient tous retournés sur les rives du lac de Côme. Peu de temps après leur nouvelle installation, la signora reçut de M. Arabin une lettre aussi aimable que courte, par laquelle la signataire l'informait de sa nouvelle position. Elle y répondit par une lettre charmante, spirituelle, comme elle savait les écrire. Ce fut la fin des relations entre Eleanor et les Stanhope. Un mot sur M. Harding, et nous aurons terminé. Il est encore grand chantre de Barchester et curé de la petite église de St. Cuthbert. En dépit de ce qu'il a si souvent répété, il n'est pas encore un vieillard. Il remplit bien et consciencieusement les devoirs de sa modeste position et se félicite de n'avoir pas accepté d'autres fonctions auxquelles il aurait été peut-être moins apte. Et maintenant l'auteur le quitte. Avec la pensée qu'il a présentée à ses lecteurs, non un héros, non un homme digne de l'admiration publique, et que l'on puisse proposer comme le type du prêtre parfait, mais simplement un homme bon, inoffensif, croyant humblement à la religion qu'il a enseignée de son mieux, et conformément sa conduite aux principes dont il s'est toute sa vie efforcé de se pénétrer. Ainsi s'achève le tome deuxième et dernier des Tours de Barchester d'Anthony Trollope.